pas moi, son ego démesuré le condamne. Écologiste pollueur, il sème le vent puis il s'étonne de récolter des tornades de la cause animale. Fervent défenseur en se gavant de Nutella et son huile de palme. Empli de générosité d'un égoïste prédominant, tant que ça sert ses intérêts, il sait se montrer bienveillant. Rebelle dans l'âme, soumis esclave, sa soif de pouvoir en est devenue son enclave. Tellement brave, tellement lâche, ses contradictions permanentes le poussent au crash. Du rire aux larmes, de l'idylle au drame, son cœur vacille entre froid de l'eau et chaleur des flammes. En guerre perpétuelle contre lui-même, il est son plus grand adversaire, reniant ses principes, ses valeurs, capable du pire comme du meilleur. Bâtisseur de tant de merveilles, au comportement destructeur, est un bipolaire au grand cœur, est un bipolaire sans cœur. Se promettre l'amour éternel et en un sombre instant ressentir la plus grande des haines. Passer de je te hais à je t'aime comme on jette un Kleenex. Relation des plus complexes dans une tête de schizophrène. Il prône la paix mais vend des armes, veut des forêts mais brûle les arbres. Pour son progrès sur le monde il s'acharne sans même s'apercevoir qu'il le mène droit au désastre. Il rêve des astres, dévaste sa terre. Dans son rêve de gloire il s'entête, il s'enterre. Veut devenir centenaire, ne pas finir poussière, en sachant que dans cette course il sera toujours derrière. De trop grandes ambitions sans un temps de réflexion, il marche à reculons en pensant gravir des échelons. Mais une fois atteint le sommet de l'échelle, il ne pourra que béton. Béton de son drame piédestal, bâti par sa folie, par sa part son côté bestial. À l'heure où des milliers de vies ont moins de prix qu'une putain de cathédrale, il continue de s'enfoncer dans sa spirale infernale. Pour son profit, il piétinerait la terre entière, même si devant lui se dressait son père ou sa mère. Sa vanité a mis son humanité si bien sous terre. Pour sa survie, il vendrait sans hésiter son âme à Lucifer. En guerre perpétuelle contre lui-même, il est son plus grand adversaire, reniant ses principes, ses valeurs, capable du pire comme du meilleur. Bâtisseur de tant de merveilles,